genoux et dérangeant dans mon cou. Arrivé à la douane, les serveurs sont là, nos gueules ne reviennent pas. Foutent de talle pour la cam, l'on me prend dans la chatte, on leur chie sur les doigts. Toujours prêt pour aller jouer. Avec rage, sans préjugé, on va se la donner. Pour les rockers, tous y confondus, on va lâcher sans retenue. Pour les quepons, pour les fondus. La piccolo me lance, c'est un autre carburant. Faire péter le compteur, ça nous réchauffe le cœur. Notre rêve pète la tête aux flics qui nous arrêtent. Le code de la route, on en a rien à foutre. On est pour tout battre, ça crée des accidents. Les éclats de l'asphalte, on est trop déroutant. Et tout le long du chemin, on se fait flasher. C'est le quotidien des top célébrités. Pour trouver la salle, on a un peu couru. Et une carte de France sur laquelle on a vomi. On n'est pas des Moscous, on n'a pas de GPS. Mais l'appel de l'ivresse nous donne la bonne adresse. Toujours prêt pour aller jouer. Avec rage, sans préjugé, on va se la donner. Pour le cœur, tout ce qui est confondu, on va se lâcher sans retenue. Pour tous les kids de nos tribus. On va finir comme des caribus. Salut, c'était Faute de frappe avec leur chanson On the Street of Memphis, tirée de leur album Sex, Drugs, Punk and Oi. Bonjour, je m'appelle Mathieu, vous écoutez bien Sous pression aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Et je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge, je vous fais jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français. Et je vais continuer avec une chanson par le groupe Charlie Fiasco. Ils ont sorti un album récemment qui s'appelle Un brin d'essence dans la déroute. Le groupe sur le label de Guerilla Assault. L'album est pas pire, c'est un bon album. Alors je vais faire jouer la troisième chanson de l'album. Ça s'appelle Vie au pluriel. Je vais aussi faire jouer du. J'ai redécouvert l'album de Souvent Fauché, Toujours Marteau de Birure Noir en fin de semaine. Ça fait longtemps que je l'ai chez nous. Ça faisait longtemps que je l'avais écouté. Alors, je l'ai redécouvert, puis je me suis rendu compte que j'ai jamais fait jouer une chanson de cet album-là aux hommes de suppression. Alors, je vais en faire jouer une plus tard. Puis, en plus de ça, ça va être une demande. C'est une demande spéciale d'une bonne amie, Jacinthe. Je vais faire jouer la chanson Soleil Noir de cet album-là. Alors, mais en attendant, je vais faire jouer une chanson par Charlie Fiasco. Alors, voici Vie au pluriel à suppression. La raison prend nos sentiments en otage. This is the Ocean Band, all the way from Singapore, and you're listening to CHRY 105.5 FM. Salut, on écoutait dans le dernier bloc Les Parias avec Los Freros. En fait, on vient d'écouter Los Freros par Les Parias de leur album Foutu Merdi. Barricade Mentale avant ça avec Bonne Action de leur album Ce Soir on Crève, Demain on Verra. Éric Panique avec À quoi on joue. Et on a commencé le bloc avec Charlie Fiasco de leur plus récent album Un brin d'essence dans la déroute, la chanson Vie au pluriel. Alors, comme promis, au début de l'émission, je vais jouer une chanson de Beru, Beru Renoir, de leur album Souvent Fauché, Toujours Marteau. C'est un album, comme j'ai dit plutôt, que j'ai redécouvert récemment. Ça fait longtemps que je l'avais écouté, puis alors j'ai décidé d'en faire jouer en onde aujourd'hui. Et je vais jouer une chanson particulière que j'ai reçue comme une demande spéciale. Une bonne amie, Jacinthe, me demandait de lui faire jouer soit Soleil Noir ou Hélène et le Sang. Et comme Hélène et le Sang, c'est pas sur l'album Souvent Fauché, Toujours Marteau, puis j'avais le goût de faire jouer une chanson de Souvent Fauché, Toujours Marteau, j'ai décidé de faire jouer Soleil Noir. C'est quand même une excellente chanson, alors je vais continuer avec ça. Et ensuite, une couple d'autres chansons de... du vieux punk... je sais pas comment on définit vieux, les années 90. Là. Une couple de chansons, même des années 80 aussi, je vais faire jouer ça, du rock alternatif français. Un petit bloc de ça, disons. Alors, voici Berruret Noir, Soleil Noir, ici, à sous pression. Staline, Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, ici aux ondes de CHRY 107.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM. Yellowknife, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Je m'appelle Mathieu et je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je fais jouer du punk rock, ska et du hardcore. Et on vient d'entendre une bonne vieille toune de N Brigade, la chanson de Charleston de leur split avec Béru et Noir, qui ont sorti en plein milieu des années 80. Avant ça, c'était Coaches avec Qui jettera la dernière pierre. Il y a la Tef avant ça avec Stress Arôme, tiré de leur album du même titre. Et on a commencé avec Béru, Béru et Noir. Soleil Noir de leur album Souvent Fauché, Toujours Marteau. J'étais pour dire leur dernier album studio, mais c'est pas vrai. Parce que c'est leur dernier album studio avant la mort du groupe en 89, mais en 2003, comme vous savez, ils se sont reformés et ont enregistré un autre album studio qui s'appelle Invisible. Alors c'est ça, on est rendu à moitié chemin de l'émission. Il est temps là, que je vous rappelle que l'émission a un site web, vous pouvez tout voir ça en ligne. Écoutez l'émission en ligne, à partir du site web www.souspression.wordpress.com. C'est le www.souspression.wordpress.com. Et je mets aussi les listes des chansons, l'information concernant les événements qui se passent, etc. Et vous pouvez nous trouver sur Facebook aussi, facebook.com/souspression. Alors si vous êtes sur Facebook, comme la majorité du monde, on dirait ces jours-ci, allez visiter la page facebook.com/souspression et aimez-nous. Comme ça, c'est une façon bien facile de pouvoir venir à jour pour ce qui concerne les nouvelles de l'émission de la musique punk francophone aussi. Et en parlant de... Ah oui, avant une dernière chose, faut pas que j'oublie, si vous voulez nous envoyer des demandes spéciales, des commentaires, même des plaintes, vous pouvez faire via courriel. Alors envoyez-nous un courriel à souspression@chry.fm et ça va me faire plaisir de vous répondre à vos demandes spéciales, vos plaintes, vos commentaires. Des questions. Et en parlant d'événements qui se passent, avant que j'ai parlé de l'adresse courriel, il y a un concert qui s'en vient à Toronto le 23 septembre. Je vais jouer une chanson. C'est tout lié, là, inquiétez-vous pas. Les Breastfeeders vont être à Toronto le 23 septembre avec Action Makes et The Bond. Ils vont être au Garrison, c'est au 1197 Bundas West, ici à Toronto. Alors, si vous écoutez à Yellowknife, désolé. Alors, c'est ça, allez-y. Ça a l'air d'être un super bon concert. C'est le 23 septembre à 10h le soir. Ça va terminer tard, comme les concerts à Toronto ont l'habitude de terminer tard. Alors, c'est vendredi soir. Si vous ne travaillez pas le samedi, vous n'avez pas d'excuse pour y aller. Alors, je vais faire jouer une chanson de leur plus récent album, la chanson l'album Dans la gueule des jours, qui est sorti, je crois, au mois de mars dernier. Alors, je vais faire jouer la 8e chanson sur l'album. C'est Ne perds pas la tête, Marie-Antoinette. Alors, voici les Breastfeeders à Sous Pression. Thank you. C'était les Jibbers de Richie's Crew, ici à Sous Pression. Notre temps ensemble tire malheureusement à sa fin. Mais dans le dernier bloc, on a écouté les Breastfeeders du Secrétaire Volante, une tune de Gerbia, du Banlieue Rouge, une chanson par Esclave Salarié, l'Escalope, et comme j'ai dit, on vient d'écouter les Richie's Crew. Alors, je vous laisse maintenant avec une dernière chanson par le groupe Yabasta, tirée de leur split avec le groupe Action Direct. Voici la chanson Chiapas. Alors, prenez très soin de vous, passez une excellente semaine, et on se revoit la semaine prochaine. Ciao.